derrière avec Gilda. Et Gilda va croiser. That's like here's a shot. Henderson made a wild stab worth spell. Here's another shot. Fight brother score. Henderson has scored for Canada. Alors donc 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand même tirés au but. Et le but. C'est long et c'est capté. Julian Fairley fait jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge Géant. Et bon matin, monde, bon matin, Trois-Rivières, et bienvenue à l'inconduit de partie, l'émission qui vous parle de sport d'un peu partout de la planète, mais surtout en Mauricie. Bon matin, monde. Bon matin. Bon matin, Marc-Antoine. Bon matin, Phil. Bon matin. Bon matin. Alors, cette semaine, l'émission, plutôt aujourd'hui, l'émission, devrais-je dire, parce qu'on en fait deux par fin de semaine, bien sûr, si vous n'étiez pas au courant, on est là aussi les vendredis matins. Même heure, même poste, même bat de chaîne, comme dirait le monsieur avec le masque et la chauve-souris. Batman. Alors, cette semaine à l'émission, aujourd'hui à l'émission, voyons, on va finir par l'avoir. Aujourd'hui à l'émission, on va vous parler du hockey. On va parler de hockey à Mauricie tout d'abord. Donc, il y avait encore deux équipes officiellement en action, c'est-à-dire le Coronavirus et les Dragons. On vous parle de ça un petit peu plus tard dans l'émission, mais il y a les Estacades aussi. Par contre, ouais. La Coupe Dodge, comme Simon La Liberté qui était en studio vendredi disait. Bof, ça, c'est pas vraiment une référence. Ça compte pas tant que ça. On va parler de ça. On va parler de Formule 1. C'était le début. Ben, on va parler de course automobile, là. La plupart des circuits débutaient en fin de semaine. Formule 1, IndyCar, Firestone, Indy Lights. Donc, on va en parler. On va discuter aussi, de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec en dernière demi-heure d'émission. Bon, les Cataractes qui ont débuté leur série. C'était vendredi que ça a débuté, là, du côté du Sound BNS. Et on va parler aussi, de March Madness. Donc, tout le monde, messieurs, nos braquettes sont bustées présentement. Oui, feu braquette. Effectivement. Mais ta chance, parce que là, pour ceux qui savent pas, là, les favoris sont tous éliminés, donc tout le monde est dans la chenoute. La bonne nouvelle pour toi, Philippe, c'est que vu que tout le monde est dans la chenoute, effectivement, c'est que toi qui étais première position, tu peux plus aspirer à la première. Je flotte sur la chenoute. Tu peux plus aspirer à la première, mais la deuxième. Comme le papier de toilette de la chenoute. Bon, donc okay, on allait quelque part, nous, avec ça, là, part, tu disais, ouais. Fais plus ça, Marc-Antoine. On y va tout d'abord. On va parler des. March Madness, j'en ai parlé. Ouais. On va parler des Patriots. Ouais. Allons-y avec ça, là. Bon, ben, du côté des Patriots soccer, on a vécu un beau moment hier. C'était la finale au niveau du soccer intérieur, 11 contre 11. Et ça se déroulait du côté du Centre Alphonse Desjardins. Les Patriots affrontaient les Citadins de l'UQAM dans un match qui a été, ma foi, indiscipliné. Oui. Ouais. Très. Hein, Phil? Très, très indiscipliné. À la façon dont l'UQAM est capable de brasser un peu la sauce puis de tenter de faire tourner ça un peu à leur avantage. Et c'est comme ça, c'est un peu une politique là, du côté de l'UQAM. Là. C'est comme ça dans tout ce qu'ils font. Être maître un peu de la cacophonie. Protect des sauces un peu. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ma maison. Exactement. Là. Ouais, c'est ce qu'ils font avec belle réussite, généralement. Cette semaine, ce week-end, ça a été contre eux, en fait. Puis en même temps, c'est grâce au brio du gardien des Patriotes que ça a été contre eux, parce que sinon, les arbitres les avaient fortement favorisés. Une victoire de 2-1 par les Patriotes dans ce match. Et comme on disait, bon, un match tumultueux. Tout d'abord, on a pris l'avance là, du côté des Citadins. 1-0, c'était en première demi que ce but a eu lieu. Mais par contre, après ça, et là, j'essaie de vous sortir les calendriers, mais malheureusement, le site... il marche! Bon, ben, bonne nouvelle! C'était un but de Mohamed Berim du côté de l'UQAM. Et ensuite, on a continué, bon, et on a réussi, on s'est fait expulser un joueur du côté des Patriotes. C'est-à-dire que le joueur Saif Daoui ou c'était Gabriel Houillet, mais excusez-moi, j'ai un petit blanc là, au niveau de celui qui s'est fait expulser. C'était Saif, si je me trompe pas, qui a reçu un carton rouge pour avoir poussé le joueur hors touche. dans les murs. Bon, au centre d'Alphonse Desjardins, c'est serré comme surface de jeu. Et on a décrété du côté des officiels qu'il l'avait poussé, mais... Ah non, c'était un jeu d'acteur incroyable. Ah, écoute, Tom Hanks, là, c'était... Tom Hanks, Rémi Girard ou Marcel Leboeuf, là, c'était des acteurs de classe du côté... Même combat. Du côté de l'UQAM, on l'a vu, le monsieur, on était là les trois et il n'y avait pas poussade là. Et c'était le jeu d'acteur tout le long. Lorsque je te parle tout à l'heure, justement, c'est très dans la mentalité de l'UQAM. Là, on voit ça fréquemment. Même au jeu de la com, ils font la même chose. Ça ressemblait à Ribeiro avec le Canadien quand il se tordait de douleur à terre. Ouais, ben on pouvait faire une comparaison avec ça. On peut faire encore une comparaison avec plusieurs scènes de soccer qu'on a pu voir. Cristiano Ronaldo, entre autres, là, cherchez ça sur YouTube. Cristiano Ronaldo dive fake. Vous devriez trouver quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc, on continue. Alors qu'il resterait peu de temps au cadran, on joue à 10 contre 11 du côté des Patriotes. Ça aurait dû être simple du côté du CAM. On ferme le jeu, on reste en arrière et on dégage le ballon. Ben non. Yannick Fournier qui fait une apparition sur le terrain. Pas beaucoup joué hier, Yannick, parce que tout simplement, il est blessé, il joue sur une jambe et réussit une magnifique pièce de jeu, entre en zone. Remet le ballon à la droite vers Émile Dufault-Galant qui file tel un éclair parce qu'il est rapide, ça n'a pas de bon sens. Déborde le défenseur et réussit à déjouer le gardien Raphaël Schott. Ce qui fait que, bon, 1-1, on s'en va directement en fusillade. On a réussi à tenir le fort. Et bon, en fusillade, là, les comeback kids, comme je les appelle, les Patriotes, parce qu'ils n'ont jamais détenu l'avance dans aucun match à date dans ces séries éliminatoires-là. Le gardien Vincent Guécoté, là, qui date a très bien paru dans les trois matchs. Par contre, le deuxième match, toujours bon à dire, c'était pas lui qui était dans les filets lors du deuxième match, il était blessé. Vincent, bon, ben, qui s'est levé, mais ça, on a eu besoin de 11 rondes de fusillade. C'est long. Mesdames, messieurs qui étaient présents, c'est extrêmement long. Et ça a été très long à débuter également. Ah, ouais. L'arbitrage, là, qui lisait ses règlements pour être certain de finalement faire ça tout croche. Ça a été très, très difficile à ce niveau-là. Puis ça doit être sur les nerfs des joueurs. Là, ça doit être extrêmement difficile. Puis on ajoute à ça quelques confrontations au centre du terrain entre les gars de l'UQAM et les gars des Patriotes qui étaient relativement prêts. Mais donc, 11 rondes d'arrêt, dans le fond, de tir. Le gardien Vincent Guécoté a arrêté 3 balles. Et même, il y en a une qui a dû arrêter 2 fois parce que la première fois où est-ce qu'il a fait l'arrêt, le juge de ligne, le juge de touche, a décrété plutôt que ses pieds avaient quitté la ligne avec le ballon, soit dans les airs. Donc, a dû le reprendre et a tout de même fait l'arrêt. C'est arrivé à 2 reprises. À 2 reprises, l'arbitre a déclaré ça et honnêtement, j'en ai vu des matchs de soccer et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un arbitre refuser un arrêt du gardien parce qu'il était décollé trop vite. En tout cas, c'est ça. On en parlait là, que les arbitres sont pas fédérés présentement. Là, il y a un conflit entre la Fédération des arbitres du Québec et la Ligue universitaire, ce qui fait qu'un arbitre qui irait arbitrer dans un match universitaire serait suspendu, ou du moins j'imagine c'est suspendu. Ce qui fait que les arbitres sont de moins bon calibre, ça paraissait encore hier. Et finalement, après avoir réalisé l'arrêt de Vincent Guécoté sur le 11e tir, c'est Jean-François Fournier qui s'avance et déjoue le gardien Raphaël Scott, en tout cas S-C-H-Y, Scott, qui, ma foi, a absolument rien arrêté. Non, et jamais n'est parti du bon côté sur les tirs de barrage, donc vraiment... Et on semblait savoir du côté des Patriotes, parce que je dirais que sur les 11 tirs, il y en a à peu près 9 qui ont été vers la gauche. Et même du côté de l'UQAM, on semblait perdre un peu patience. J'ai vu des joueurs de l'UQAM un peu enguirlandés, leur propre gardien de but. C'était pas la chose la plus chic à voir. Les joueurs de l'UQAM n'ont que à blâmer, honnêtement, avec toutes les possibilités qu'ils ont eues. Je pense qu'il y a tout près d'une quinzaine de corners en première demi. Vraiment, ils ont pas été capables de profiter des occasions qu'ils se sont créées. Et puis justement, mais ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est tout à l'honneur du gardien des Patriotes qui a fait un travail exceptionnel. Et qui a compté un but aussi. Qui a compté un but en tir de barrage et qui a d'ailleurs été nommé joueur du match. Ouais. Joueur du match, patriote de la semaine du côté de Vincent Guécoté. On va l'écouter, Vincent, mais tout d'abord, on va aller écouter Pierre Clermont et ses commentaires d'après-match. Ce qui est impressionnant, c'est de remonter à 10 contre 11. À 10 contre 11, puis surtout, ils nous ont malmenés. En première demi, là, ils nous ont malmenés. Ils nous ont vraiment malmenés. Il a fallu une jasette à mi-temps qui était assez, je dois avoir assez sévère auprès de mes joueurs pour leur dire, le pire qui peut arriver, c'est qu'on perde, mais il faut jouer. En deuxième, on a bien joué. Je pense qu'on a une mi-temps meilleure. Je dis pas qu'on est nettement dominé, mais on était, je pense, un petit peu au-dessus. Là, on était peut-être 52-48, pour être bien honnête, parce que c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe. À la fin, quand on est tombé à 10, d'aller marquer le but, je pensais pas qu'on avait encore des ressources. Je vois, oui, je pensais pas qu'on était capable de remonter comme ça. Surtout moralement, là, c'est difficile. Puis les pénalties, ben là, les pénalties, on est les magiciens des pénalties. On les, à moins que je me trompe, on a raté un sur la barre, c'est le seul. Les autres, on les met tous. Vincent qui en arrête quatre. C'est impressionnant, ça, c'est vraiment impressionnant. Vincent, joueur du match. Vincent, joueur du match, comme on disait. Vincent, probablement patriote de la semaine aussi, là, ça sera pas trop compliqué en effet, à choisir. Vous pouvez mettre un petit 2 là-dessus, là. Ouais. Ça devrait être lui. Un petit 5 même. Ah, même. Et comptait ça, c'est un joueur qui joue au hockey, était blessé, il commençait à jouer au soccer tard. Mais très bon talent du côté de Vincent. C'est un bel addon, finalement, que. Il se transporte du côté du soccer. On sent que il y a un peu un naturel dans son dans la façon dont il se jette. Pour ceux qui ont gardé les buts d'un but de soccer, c'est absolument différent de tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Souvent on va être tenté d'arrêter le ballon avec nos pieds ou avec nos mains quand on n'est pas habitué, mais il y a toute une technique derrière un arrêt au soccer et Vincent l'a quand même très très bien maîtrisé et selon l'histoire qu'il nous en raconte, forcé d'admettre qu'il a maîtrisé ça très rapidement. Presque aucun retour, les balles, il les conserve tous près de lui. Ouais. C'est... Va être bon ballon chasseur. Effectivement. Bon, ben on parle de Vincent, pourquoi pas aller écouter ses commentaires après cette partie contre l'UQAM. C'est-tu une des plus longues fusillades que tu as eu droit dans ta vie? Oui, c'était une des plus longues. L'arbitre, il m'a fatigué. J'étais vraiment tanné qu'il me dise tout le temps de recommencer et tout ça. Là. En plus, c'est pas stupide. Là. C'est dit, faut pas te mettre ton pied devant la ligne avant que le joueur tire. Puis le pire, je prenais un élan en arrière de ma ligne. J'ai jamais changé ma motion. Puis il me l'a fait deux. Puis à la fin, j'étais allé le voir. J'ai dit, monte-moi là parce que je suis tanné de recommencer. J'en ai des arrêtés. Alors ça finit ça. Je vous disais, fini 5e, vous allez gagner l'or cet hiver. Qu'est-ce que t'en penses? C'est réalisable. Je veux dire, c'est en mettant les objectifs. On a passé l'automne. Bon, ça nous a coûté cher. On avait bien commencé en plus l'automne en rapport. Bon, excepté le premier match contre Laval. On avait quand même une formation jeune, fait que on a grandi ensemble, ça a été quelque chose de bien. Il y a eu certains vétérans qui étaient là, comme Olivier Dubon-Saint-Louis, qui avait déjà joué des matchs auparavant à l'universitaire. Puis il a fait de bien encadrer justement les recrues, tout ça, puis de mettre des objectifs réalisables, qu'on savait qu'on avait le talent pro, qui arrive quand même vite. Déjà pour la saison d'hiver, ça nous permet de tout oublier qu'est-ce qu'on a fait, puis se concentrer sur le moment présent. Je pense que ça va être la chose à faire l'automne prochain. Ça va y avoir pas mal le même noyau qui va rester. On a connu de beaux moments. Ça nous on a grandi là-dedans, puis on est rendu fort. Puis une menace pour toute la ligue aussi. Ben, une menace pour toute la ligue, plutôt. Je pense que oui, on a prouvé des choses de cet hiver. On a aussi. Écoute, c'est sûr que le soccer extérieur, le soccer intérieur, c'est pas la même chose. Il y a probablement des joueurs qui décident de pas jouer au soccer intérieur. Mm. Ce qui fait que les équipes, on a eu droit à une saison un petit peu plus serrée. Mais c'est le fun de voir que c'était justement serré comme ça au niveau du circuit au complet. Ce qui est intéressant, puis pour faire suite à ce que Vincent disait, si on devient une menace, ça aura été grâce à la confiance bâtie lors de cette saison-là. Ouais. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le calibre augmente lors de la saison extérieure. Et puis, les gars ont prouvé qu'ils sont capables, s'ils tiennent au plan de match, de jouer le contre, d'être solides en défensive, ils sont capables de gagner. Puis, ils sont capables de gagner des matchs très serrés. On l'a vu dans les trois derniers. Exactement. Donc, félicitations aux Patriotes de l'UQTR Soccer pour cette bannière qui viendra s'ajouter aux Caps, je n'en doute pas. Petite nouvelle, on reste dans le même domaine, là. Les équipes d'étoiles, les prix ont été remis là aux différents joueurs de la Ligue et on peut parler, au niveau du joueur par excellence, c'est Gabriel Moreau du Rouge et Or de l'Université Laval. Pour ce qui est des Patriotes, c'est Jonathan Brunel qui est récompensé pour son esprit sportif. Donc, parlons de lui. Au niveau de la première équipe d'étoiles, on retrouve Jean-François Fournier, le milieu de terrain de l'UQTR, qui remporte le prix, qui est nommé sur l'équipe. Et sur la deuxième équipe d'étoiles, on parle de Geoffrey Jouvin, on parle de Philippe Saint-Laurent et on parle de Émile Dufault-Galland qui se sont tous classés sur cette équipe, cette formation d'étoiles. Ça va en musique. Aujourd'hui, ça va être différent au niveau musique. Philippe qui se plaint depuis quelques semaines qu'il n'aime pas ce que je fais jouer. C'est pas que j'aime pas ce que tu fais jouer, c'est que je trouve que c'est redondant, que c'est sensiblement toujours le même style. Donc aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir un peu vos horizons musicaux. C'est tout. Donc, si vous aimez pas ça, c'est pas de ma faute. C'est de la mienne. Alors, qu'est-ce qu'on s'en va écouter, là, Philippe? En ce moment, on s'en va écouter Trio Mama, tiré de l'album Mama Goubida. C'est La Révolution, une chanson qui donne un peu la parole à notre génération et à ce qu'on est capable de faire. Là, t'as mis des tunes revendicatrices en plus. Non, j'ai mis ça, j'ai mis du sport, j'ai mis de tout. J'ai du vieux, du neuf, de l'anglo-franco. Tu allais voir, tu allais adorer. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Qu'ils ont la peau bien tendue, nos jeunes, qu'ils font classe dans la rue, nos jeunes. Petit col relevé, well, des minettes et des minets, well, bras dessous et doigts levés, ok. Nos jeunes, Pablo, nos jeunes, Pablo. De beauté, de pensée, nos jeunes. Fraîcheur, d'air et vitalité de nos jeunes. Que voudrait-on devenir? Well, comment voit-on l'avenir? Well, l'essentiel est de tenir, tenir. Plus jeune, l'essentiel est de tenir. Plus jeune, l'essentiel est de tenir. Plus jeune, l'essentiel est de tenir. Est-ce que tout le monde va bien? Ok. Le lifting de la grand-mère ne tient pas, les années tombent par terre. Comme tu vois, on veut être comme la Claudia, boum, les starlettes au cinéma. Dans le temps, il t'aura pas, tu sauras rester jeune. On veut être comme la Claudia, well, les starlettes au cinéma, well. Soit le temps, il t'aura pas, tu sauras rester jeune. Voilà, car on leur donne raison aux jeunes. Au service des cons, des consommations des jeunes. Pour nos prochaines années, well, il faudra bien contrôler, well, le portefeuille et les idées, okay, de nos jeunes. Contrôler le portefeuille et les idées de nos jeunes. Contrôler le portefeuille et les idées de nos jeunes. Car on peut serrer les poings les jeunes. Paraît que l'avenir nous appartient à nous les jeunes. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Préparez-vous à la baston. Well, faut se faire une raison. Well, arrêtez de nous prendre pour des cons. On va faire la révolution. S'il vous plaît, de nous prendre pour des cons. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous prendre pour des cons. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous prendre pour des cons. Arrêtez, s'il vous plaît. On va faire la révolution. Bon, mesdames, préparez-vous à la baston. Bon, arrêtez de vous prendre pour des cons. Il vous insulte? Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. L'inconduite de partie. Trio avec la chanson La Révolution. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Si vous voulez nous rejoindre en studio live à commercial inconduitedepartie.com et bien sûr notre site web inconduitedepartie.com. Magnifique site web. Je voulais pas te couper, je m'excuse. Ben merci beaucoup. Je le trouve vraiment très beau. D'ailleurs, je vais me lancer un petit peu plus sur la couverture junior majeure. Bon, j'ai couvert beaucoup les Patriotes, mais là avec les Patriotes qui sont terminés, on s'en va vers les junior majeurs. D'ailleurs, deux textes sur les matchs d'en fin de semaine du côté du hockey junior majeur. Et bon, tous les matchs locaux, je vais être bien franc, là, j'ai pas eu moyen de me déplacer à l'île du Prince-Édouard là, cette semaine. Là, fait que, on comprend ça. Donc, les matchs locaux, je vous tiens plus au courant. Par contre, vendredi, on va s'entretenir avec Jonathan Roberge, même on aurait pu ce matin, là, mais manque de temps, l'émission est très remplie. Donc, on aurait pu s'entretenir avec lui, mais vendredi, on va s'entretenir avec lui, lui, directement de l'île du Prince-Édouard, savoir un peu comment ça s'est déroulé. Parce que là, les trois prochains matchs sont en direct de Charlottetown. Mais tout d'abord, on sait que la Formule 1, ça a débuté cette fin de semaine. Et oui. On reste sur la même note là, du côté du circuit de Bernie Ecclestone. C'est la victoire de Sébastien Vettel au Grand Prix d'Australie à Melbourne. Une victoire facile, l'emporter par 22 secondes sur Lewis Hamilton. Dès le départ, Sébastien Vettel qui a pris l'avance très confortable. Dès le premier tour, on avait fortement l'impression qu'il allait gagner, à moins que lui arrive malchance quelconque. Ça a été très bien fait. Des beaux arrêts au puits aussi. Et j'aime bien aussi la nouvelle amélioration, disons. L'aileron. Oui, l'aileron qui pivote, en fait. Okay. Donc, qui devient à l'horizontale et qui laisse passer beaucoup d'air à l'arrière. Donc, c'est dans les lignes droites. C'est le temps qu'il fasse ça. Oui, effectivement. Et c'est évidemment là, à la sauce F1 un peu. Là, on peut l'utiliser seulement dans la ligne droite de départ. Donc, évidemment. Dans la plus longue ligne droite, c'est dans le fond, ça, exactement. Okay. Super réglementé. Ouais. Et ton piton marche jusqu'à électroniquement. Le circuit l'a déclenché. Ben. Mais c'est quand même très beau, ça donne un peu de boost à la voiture. Ouais, avec j'ai le sponsor, mais j'ai comme vide de mots français là, sponsor, le commanditaire, ouais, qui apparaît aussi. Ça, les crypto, ils manqueront pas. À vrai dire, sur terre battue, ce qu'on appelle les sprints, tu sais, qui ont un gros aileron sur leur monoplace. Écoutez, c'est des moteurs qui ont la puissance presque des moteurs de Formule 1, mais qui sont équipés sur des petites voitures avec des gros ailerons, parce que si tu changes les ailerons de côté, ces ailerons-là, le sprint décolle, il s'envole tout simplement parce qu'il y a beaucoup de puissance. Même, ils sortent des courbes et le devant lève. Mais ce que je m'en venais pour dire, c'est que ces ailerons-là, gigantesques sur le toit, t'as une manette qui permet de le bouger dans la voiture, tout dépendant t'es où sur la piste. Donc, quand t'arrives en ligne droite, tu recules ton aileron, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de pression sur tes roues arrière, où est-ce que la traction est. Et à l'opposé, lorsqu'on entre dans une courbe, on met plus de traction pour que les roues devant touchent qu'on tourne encore plus et ça va extrêmement rapidement. Là, j'ai une connaissance qui course aux États-Unis là-dessus et c'est des beaux bolides pour sans avoir le budget de Formule 1. Là, c'est très, très intéressant comme performance. Au deuxième rang, c'est Lewis Hamilton qui a terminé à 22 secondes, donc on était très loin. Quelle belle performance de Vitaly Petrov au troisième rang pour la Lotus Renault. Un beau résultat là, pour la entre parenthèses, nouvelle écurie, nouveau nom plutôt, nouvelle mouture pour la Renault. Mark Webber, Fernando Alonso au quatrième rang, Mark Webber, l'autre Red Bull au cinquième rang, Jenson Button au sixième rang. Sergio Perez là, pour Sauber qui avait fini septième, mais qui malheureusement a été disqualifié par la suite pour réglage. On n'a pas trop révélé les nouvelles. Relancer la FIA là-dessus, là, du côté de Sauber. Maintenant, du côté de l'IndyCar, l'Indy Racing, c'était le Grand Prix de Saint-Pétersbourg en fin de semaine, un circuit routier à l'intérieur d'une ville, parce que du côté de l'IndyCar, bon, soyons francs, on préfère les circuits dans les villes pour faire des événements un petit peu plus glamour que des beaux circuits de course, comme on peut retrouver, mettons, à Tremblant ou même à d'autres endroits comme ça, et des beaux endroits. C'est pour ça qu'on viendra pas à Trois hier, malheureusement, c'est pas assez glamour pour la série. La signature visuelle qui est moins aussi, en fait. C'est ça. Donc, c'est une victoire pour Dario Franchitti qui l'a apporté quand même aisément là, du côté du Grand Prix. Bonne position pour Alexandre Tagliani, plutôt une sixième position. Bien fait là, du côté de Tag. C'était une course qui s'est quand même déroulée très rapidement, à part un gros accident au début. Le reste, ça s'est quand même ça a été comme sur des chapeaux de roue presque. Belle performance de la part de Simona de Silvestro qui a terminé au quatrième rang. Et même, ça l'avait un petit peu plus géré son push-to-pass dans les 3-4 derniers tours. Elle aurait terminé au troisième rang. Là, il en restait pour 24 secondes, alors qu'il en restait pour 4 secondes à Tony Cannon. On reste dans le monde de la monoplace du côté de la Indy Lights. Michael Grenier, le Québécois de Stoneham, qui débutait au dernier rang parce qu'il y a eu un accident. Il n'a pas pu faire les qualifications. Tout de même, il a participé à la course. Passé de la 16e Saint-Roch-Courteau à la 7e position. Donc, belle remontée du côté de Grenier. Très prometteur de son côté. Et du côté du NASCAR, eh bien, étonnamment, c'est Kevin Harvick qui remporte la victoire au Fontana, le Autoclub Speedway de Fontana. Il a battu Jimmy Johnson, le roi de cette piste. Carl Busch a dominé pendant pas mal toute la course, mais toutefois, c'est Harvick qui est venu dépasser, Johnson plutôt est venu dépasser Busch. Et dans le dernier virage, avant-dernier virage, là, dans le dernier tour, c'est Harvick qui a pris le dessus sur Johnson et qui a été chercher le champagne et les autres commanditaires qui vont avec ça. Il y a tout un, on sait, en NASCAR, c'est pas les commanditaires qui manquent, hein, donc tout ce qui vient avec ça. Donc, c'est ce qui conclut pour le segment course. On va aller à une pause. Au retour, on parle avec JP Grenier. On va parler du March Madness. Si vos brackets sont encore en vie, vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Très C'est fou dans vos oreilles. 89. 1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, au hockey de la Ligue nationale, les Bruins de Boston emportent 2-1 face aux Flyers de Philadelphie. À Pittsburgh, les Penguins l'emportent en fusillade face aux Panthers de la Floride 2-1. Du côté d'Atlanta, Ben Maxwell inscrit son premier but dans la Ligue nationale, ce qui aide les Thrashers à disposer des Sénateurs d'Ottawa par la marque de 5-4. Et à Columbus, les Canucks de Vancouver vont chercher une 50e victoire cette saison face aux Blue Jackets par la marque de 4-1. Toujours dans la Ligue nationale, après une semaine sans aucun succès pour le Canadien, Jacques Martin a forcé ses joueurs à se présenter pour un entraînement punitif hier. Le prochain match tricolore sera mardi face aux Thrashers d'Atlanta. Du côté de la Ligue américaine, les Bulldogs renouent avec la victoire hier. Après 4 défaites de suite, Hamilton dispose des Rivermen par la marque de 3-1. Les Bulldogs sont descendus au 3e rang de la division Nord. À la course automobile, c'était le Grand Prix d'Australie hier. Sébastien Vettel, qui s'était qualifié premier lors des qualifications, n'a pas déçu et remporte le premier Grand Prix de la saison. Il a été précédé de loin par Lewis Hamilton, qui a été ennuyé par un bris sous sa voiture et termine donc 22 secondes derrière l'Allemand. Au March Madness, maintenant, VCU cause une autre surprise en disposant de Kansas par la marque de 71-61. VCU se classe donc pour le prestigieux Final Four et affrontera Butler, une autre équipe surprise. Au hockey en Mauricie, la fin de semaine n'a pas été bonne pour le Collège La Flèche alors que les Dragons ont perdu leurs deux parties contre le cégep André Laurando, 3-2 samedi et 3-1 dimanche. Leur saison est donc terminée. Et finalement, au sport universitaire, les Patriots soccer se voient mériter l'or hier alors qu'ils affrontaient l'UQAM lors de la finale du réseau des sports étudiants du Québec. La partie remplie d'émotions s'est rendue jusqu'en tir de barrage et on a pu assister à toute une performance de Vincent Guécoté qui a bloqué plusieurs balles. Il a d'ailleurs été nommé joueur du match. Voilà, c'était vos informations de l'inconduitedeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Nine Inch Nails avec la chanson We're in This Together. Petite toune de sport quand même. Là. Ça se met bien, mettons, dans un mix là, de sport. Ça se met bien sur une vidéo de sport. Ouais, mettons. Là, quelqu'un qui ferait un montage de sport. Mettons, là. Quelqu'un qui ferait ça comme ça là, pour le plaisir. Là, un de ses amis lui demande « Hey, cette toune-là, ça ferait un bon montage sportif. » Puis le gars, ben, il le fait. Admettons. Félicitations pour ton montage sportif. Merci, ça me fait plaisir. On va maintenant parler de voyons, je l'ai pas. Basketball. Le March Madness. Peux-tu m'en aller? Non, va-t'en pas, t'es deuxième. Ah ouais, mais... Ouais, mais en tout cas, JP Grenier se joint à nous de Sherbrooke par téléphone. Ça va bien, JP? Ça va bien, vous autres? Ah, toujours. Oui, toujours, bien. Toujours. Good. Philippe, pas Philippe. Oui, Philippe. Oui. Félicitations. Merci. J'ai été très chanceux, mais merci. Parce que lorsqu'on a débuté le tournoi, bon, j'ai dit, Philippe, ça serait bon que tu fasses ta braquette, qu'on puisse en parler en onde. Philippe, ah, j'ai pas de temps, J'ai dit, fais-la au hasard, on s'en contrefout, tu gagneras pas pareil. Et on se dirige maintenant vers le Final Four, exactement. Et Philippe est deuxième. Malheureusement, toutes ses équipes sont éliminées, mais la bonne nouvelle, c'est que pas mal tout le monde, toutes les équipes sont éliminées. C'était une fin de semaine encore, là, de multiples surprises. Et, Celui qui va me dire que dans le Sud, il avait prédit VCU contre Butler dans le Final Four, là, moi, je tombe à terre. Ouais. Et de haut. De très haut. Oui. Alors, JP, tu peux nous résumer là, toutes les surprises qu'on a eu droit durant la fin de semaine? Ben oui, quel tournoi incroyable cette année. Surprise après surprise. Écoute, hier, dans les équipes qui restaient, on avait même plus d'équipe. On n'avait qu'une seule équipe numéro un, là, c'est-à-dire Kansas, qui se sont écroulés là, dramatiquement contre Virginia Commonwealth et Rams, là, qui constituent une surprise. Eux qui étaient classés 11e dans leur section. Donc, quelle belle fin de semaine de basketball encore une fois. Puis, le tournoi de cette année qui nous a réservé des belles surprises. Puis, écoute, il était très rare, là, ceux qui avaient prédit que c'est... En fait, il n'y a personne qui avait prédit ces quatre équipes-là, puisque VCU vient tout brouiller les cartes. Là. Si on regarde là, dans le classement national, dans les brackets, il y en avait quelques-uns qui avaient mis Kentucky, Connecticut et Butler au Final Four, sauf que VCU, il n'y a absolument personne qui l'a mis, donc même les fans de cette université-là... Ils croyaient pas vraiment. Là, donc, c'est un peu à l'image de George Mason en 2006, là. Les Rams qui ont causé la surprise en éliminant Kansas qui était pas tout dans le match hier, donc belle fin de semaine. Oui, d'ailleurs, une défaite par 10 points là, même Kansas, pas serré, là, même pas serré. C'est du basketball VCU qui... Ben, tu me disais, JP, qu'ils sont un peu ennuyants à regarder VCU. Moi, c'est pas mon style de basketball là. Écoute, comment qu'on pourrait dire ça? Winning ugly, tu gagnes, mais écoute, de n'importe quelle façon, tant que tu gagnes. C'est un peu à l'image, là, Butler, par exemple, qui ont un style de jeu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant à regarder. VCU, on va pas dire que c'est eux qui ont les plus grosses armes offensives, sauf qu'ils ont quand même Rodriguez, là, le jeune Mexico-Américain, là, que il est quand même très bon. Hispano-américain. Mexico-américain, toi. Mexicano-américain, Nicolas. Non, hispano-américain, ouais, t'as raison. Écoute, il fait un très bon travail. J'ai adoré son jeu, sauf que le reste de l'équipe, c'est un peu brouillon. Mais écoute, l'entraîneur qui a seulement 33 ans, qui les a amenés là, félicitations à lui. Là, dans le Final Four, on retrouve deux entraîneurs de moins de 35 ans, c'est-à-dire Brad Stevens avec Butler, qui répète comme l'an dernier. C'est celui de VCU, là, donc la jeunesse qui prend la relève. Tandis qu'avec Kentucky, t'as le fameux John Calipari, là, qui est le premier entraîneur à amener trois équipes différentes au Final Four. Donc, même chose pour UConn, là, un entraîneur vétéran qui est pas à ses premières années. Donc, ça va être la jeunesse contre l'expérience la semaine prochaine. Qu'est-ce qui peut expliquer les défaites des favoris comme ça? Duke se faire, mettons, planter contre Arizona, là? Écoute, c'est l'histoire d'un match. C'est sûr que les premières rondes, tu sais, ils jouent environ deux matchs en l'espace de quelques jours. On a une semaine de congé, on revient. Je sais pas ce que les équipes font lors des entraînements. Est-ce qu'Arizona aurait trouvé la faille de Duke? Je le sais pas. les Blue Devils qui ont jamais été dans le match, là, puis pourtant, ils ont un des meilleurs entraîneurs de la Ligue avec Coach K. Ouais, c'est ça. En plus, qu'il avait l'expérience d'un championnat national avec la victoire de l'an dernier, donc, je sais pas, Nicolas, vraiment, là, moi, je mise sur eux fortement, c'est mon équipe en plus. J'étais un peu déçu, mais bon, écoute, ça arrive à toutes les années, là, Kansas, qui perd pour la cinquième fois contre une équipe qui est classée huitième ou moins, là. Donc, historiquement, c'est des chokers. Donc, les Jayhawks, qui, après avoir remporté un championnat national, là, 3 ans contre Memphis, s'est encore écroulé. Donc, malheureusement, ça sera pas cette année pour eux. Puis, écoute, il y a des équipes quand même intéressantes. Le Kentucky, je les adore. UConn, ça serait peut-être une première là, que autant l'équipe féminine que masculine gagnerait le Final Four. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ça. Parce qu'on sait, là, l'équipe féminine à UConn, c'est imbattable. Là. C'est imbattable. Ceux qui ont battu le record cette année avec 89 victoires de consécutives. Donc, les filles qui sont pratiquement imbattables. À moins d'une très grande surprise, je crois pas qu'ils connaissent la défaite, eux, de ce côté-là. Sinon, du côté des hommes, on joue très inspiré, là, Arizona, qui était fort de leur victoire contre Duke, se sont fait surprendre 65-63 par les Huskies de Connecticut. Donc, non, il y avait plusieurs bons matchs en fin de semaine. Puis moi, celui qui a retenu mon attention, c'est surtout Butler contre Florida, qui est allé en prolongation. Donc, quel match de basketball! C'était un peu le match là, des 8... La ronde des 8. Oui, l'Elite 8. Elite 8. Oh, je cherchais donc bien l'Elite. C'était un peu le match qu'on attendait, là, Butler contre Florida, puis on n'a vraiment pas été déçus. On n'a vraiment pas été déçus. Butler, qui sont incroyables sur les 3 points, c'est ce qui a sauvé leur match. Puis, écoute, Butler, c'est son dynamique, son le fun d'avoir joué. Ils ont des bons gars de 3 points, ce qui aide grandement à faire augmenter le score. Puis, ils ont encore trouvé une façon de gagner. On Florida qui était classé deuxième dans leur division. JP, on parlait de UConn tantôt là, chez les filles. J'étais allé voir le Women March Madness du côté de ça se déroule. La finale va être à Indianapolis dans ce cas-ci là, au Conseco Fieldhouse. Les UConn sont encore en action. La différence entre celui des femmes et celui des hommes au niveau du March Madness, c'est que les filles jouent les lundis et mardis les dimanches, lundis et mardis au lieu de jouer. Les jeudis, vendredis, samedi, dimanche. Bon, oui, dimanche, ok, on se comprend là. Ce qui fait que, bon, ben, ça te laisse un petit peu plus de visibilité au niveau de la télévision, ce qui est bien aussi. UConn sont encore là, là, on est au Elite 8 là, dans leur cas. Connecticut va affronter Duke. Prends mes mauvais plis. Ouais, c'est ça. T'es inspiré de Marc-Antoine. J'ai ressorti mon jeu de Monopoly pendant 2 secondes. Connecticut va affronter Duke, Tennessee, Notre-Dame, Baylor contre Texas A&M, la bataille du Texas là-dessus. Stanford va affronter Gonzaga dans des finales qui se déroulent. Philadelphie, Spokane, Dallas. La bataille du Texas va avoir lieu à Dallas et à Dayton, Ohio. Dayton qui, pour une petite ville, quand même reçoit plusieurs événements. On suit aussi le Starting 8, c'est ça? Comment ils appellent ça cette année? Les huit équipes qu'on a décidé d'intégrer au tournoi? J'ai pas le terme. T'as pas le terme, non, okay. Non, ils n'en ont pas inventé. Oui, ils en ont inventé un. Okay. Il a pas été très... Non, t'as le Final Four, puis t'avais le Starting Four. Qui était comme... quelque chose comme ça, là, qui était un petit peu une parodie du Final Four pour aller dire que c'est les équipes qui peuvent se classer au niveau du tournoi. Est-ce que c'est déjà arrivé que les équipes qui sortent de ce classement-là se rendent plus loin que la première ronde? Ou? Ben non, parce qu'à l'origine, c'est la première année qu'on a... qu'on a quatre équipes matchs. De plus. Ben ouais, okay. C'est ça. Ben qu'on a 4 matchs, dans le fond, pour décider de 4 équipes qui accèdent au tableau, alors que les autres années, c'était seulement un match. Okay. Donc, en étant seulement un match, bon, ben, l'équipe qui se classait entrait 16e contre un Duke ou un gros classement. Donc, ce qui fait que on n'a jamais remporté de match là, du côté de l'équipe qui s'est classée, mais ça donne un match en prime time sur ouais, ESPN. Oh, ouais, donc, c'est au niveau retombée économique, c'est excellent. JP, tes prédictions là, pour ce qui s'en vient là, entre Kentucky et Connecticut? C'est un peu la finale avant la finale là, oui. Je favorise les Wildcats de Kentucky qui m'ont très fort impressionnant en fin de semaine en battant North Carolina qui, on l'avait dit, qu'il n'y avait pas de défensive, sauf qu'en attaque, c'était très fort. Ils ont bien joué défensivement, donc moi, je vais y aller avec Kentucky en finale contre Butler. Encore une fois, les Bulldogs ils vont se rendre là. Puis, pourquoi pas y aller avec une surprise cette année, là. Butler qui vont l'emporter. Oh! Je suis d'accord avec... Avec JP, c'est là où je m'en allais aussi. Là. Butler qui a remporté des matchs très serrés, qui a gagné toutes les sortes de matchs, en fait, le festival offensif ou des gros matchs défensifs. Puis après avoir battu Pittsburgh premier, Wisconsin quatrième, Florida deuxième, je vois pas vraiment ce qui peut leur faire peur. Oui, parce que VCU, bon, à part leur match contre Kansas, ont quand même eu beaucoup plus facile. On a battu Georgetown. Purdue est probablement leur plus gros adversaire, mais on les a battus 94-76, ça n'a pas été un défi. Florida State était classé 10e, c'était serré. Et là, contre Kansas, bon, ça a été le vrai adversaire et ils ont prouvé ce qu'ils savaient faire. Mais j'aime beaucoup Butler. Je veux dire, de la façon que je joue Butler depuis deux ans, c'est une équipe qui est très capable de se rendre plus loin. Et bon, du côté de Kentucky, Connecticut, j'ai l'impression que ça peut être long. Pas long comme série, parce que c'est pas une série, là. J'ai été avec le cliché. Long comme match. Ben, j'ai l'impression que ça peut être serré comme match. Ouais. Ça peut être un match, for the ages, un match qui peut rester dans les annales. Mais, JP, ma question, là, une finale, Kentucky Connecticut puis VCU Butler avec un bon, une des deux équipes, admettons que VCU sera en finale contre Kentucky. Est-ce que tu crois qu'il y a d'avoir une équipe moins bien classée d'un plus petit marché comme ça qui accède à la finale va nuire au code d'écoute? Non. Non? Non. Non, ça fait partie du American Dream. Là, quand même, je veux dire, regarde le Super Bowl cette année par rapport au Super Bowl. L'an passé, c'était... qui était au Super Bowl? Steelers contre... Cards. Ou l'année d'avant? L'année passée, c'était les Colts contre... c'était Colts contre Saints. Ah oui, c'est vrai, on a sauté une année. C'est ça, effectivement. Bon, Colts contre Saints, disons-le, c'était deux marchés un peu plus petits au niveau football. C'est pas New York, c'est pas... Et c'est moins légendaire comme programme. Alors que cette année, les Packers contre les Steelers, c'est des vieux marchés avec beaucoup de fans. Ce qui a fait que les codes d'écoute du Super Bowl ont été plus élevés. Donc, moi, je pense que, veut pas, il va avoir certaines répercussions au niveau des codes d'écoute. Du fait aussi que tout le monde qui ont fait leur braquette. Parce que, gars, soyons francs, là, il y a des fans de basketball collégial d'occasion, comme moi, comme toi, Philippe, JP un peu moins, qui regardaient ça puis qui disaient, bon, mon équipe est là, tu développes un sens de... Un sentiment d'appartenance totalement ridicule. À une université que tu sais même pas où. C'est ça, une université que tu as choisie. Là, tout le monde est éliminé. Il y en a plusieurs, j'ai l'impression qu'ils vont faire « Bon, ben mon équipe est plus là, moi je change de poste. » C'est possible, mais en même temps, je veux dire... C'est un peu de la vie de Philippe, moi. Il attire l'attention plus que d'autres choses. Exactement, comme JP dit, c'est un peu... À l'image des Saints d'il y a deux ans, c'était l'American Dream, la possibilité de te sortir de quelque chose et d'arriver au plus haut sommet. Parce que là, il y a un petit buzz là, autour de cette université-là. J'aimerais bien voir le taux d'inscription monter. J'ai lu un affaire intéressant là-dessus, là, le Fleury Effect, là, qui fait en sorte que quand ton équipe connaît une bonne performance comme ça au niveau national, au niveau sportif, un peu à l'image de Boston College en 84 avec Doug Flutie, qui avait battu Miami, écoute, le taux d'inscription là, monte en flèche. Par exemple, Butler... C'est du 175% plus d'inscriptions au semestre d'automne que les années d'avant. Donc, c'est beaucoup d'argent, là. C'est incroyable, là. Écoute, VCU qui joue à Richmond, là, qui est la capitale de la Virginie, doivent partager, dans le fond, là, avec l'Université de Richmond. Il n'y a pas grand monde qui connaissait VCU, là. Les voir connaître autant de succès sur la scène nationale comme ça, c'est quand même impressionnant. Donc, les retombées sont positives dans tous les cas. Là. Puis même les équipes là, comme Kentucky, Connecticut, qui sont absolument de gros programmes, c'est de l'argent et c'est positif pour eux quand même. Donc, ça fait juste augmenter, dans le fond, leur force. Là. Bien, on dit à toutes les années où est-ce que... Tu participes à ce tournoi-là, c'est sûr que ça dépend à quelle école prend. Bon, Ohio, c'était prend Duke, là, encore plus évident. Duke qui est là à toutes les années depuis, écoute, je ne sais pas, là, mais depuis extrêmement longtemps. Bon, les retombées sont correctes, sans plus. De toute façon, on connaît déjà la réputation. Mais je reste dans le local, un peu Vermont. Lorsque Vermont participe à ce tournoi-là, c'est déjà très bon. Mais lorsqu'ils ont éliminé Syracuse, là, 4-5 ans, wow, je veux dire, les retombées, c'était comme une mini Coupe Stanley là, du côté de Burlington. Là. C'était immense ce qu'on venait de faire là, d'éliminer l'équipe qui était championne du monde, championne nationale en titre. Et bon, toute l'attention qu'on a donnée à ce programme-là, ben après ça, c'est dont des anciens qui vont signer un petit chèque un petit 10 000 $, hein, gars, voici pour votre programme de basketball, féminin, masculin. C'est des répercussions, comme on dit, qui se retrouvent dans tout ton programme sportif au complet, parce que, et dans tes inscriptions, parce qu'après ça, tu peux dire, c'est une carte de visite, là. Hey, regarde, on a battu Syracuse, nous autres, là. On n'a pas été plus loin, mais on a battu Syracuse. Parenthèse, là, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, là, c'est le Selection Sunday qui était le les quatre. Non. Selection Sunday, ça se trouve. T'as dit, qui voulais faire de quoi pas pire pis d'intérêt. Le Selection Sunday, c'est le moment où ils vont décider des 32 équipes qui vont participer. Ben, dans ce cas-ci, cette année, ça a été plus que 32 qui vont participer au tournoi. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps les 32 conférences du pays qui envoient leurs champions. Puis ensuite, un comité va choisir les 32 autres équipes qui vont sélectionner, ou du moins, dans ce cas-ci, cette année, les 36, 30, 40. Au final, il y a 64 équipes. 64 plus 4. Parce qu'il y avait justement le Starting Sunday. Mais c'est 60 plus 4. Parce qu'à 68, tu fais pas un bracket. Ben oui, mais tu n'arrives pas à zéro. Ben oui, mais tu élimines 4 équipes dans le Starting Sunday. Okay, dans le Starting 4. J'ai pas de nom, là. Je me sens inconnaissant, là. Manque de connaissances dans ce cas-ci, là. Mais, écoutez, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute et qui connaît la réponse, envoyez-nous ça. Live à commercial inconduite de parti.com. On vous donne un crayon bic. Ouais, un crayon bic et une petite tape dans le dos, là. Mais sinon, bon, je vais me mettre à la recherche durant la pause, durant la chanson. Ben, JP? Oui. Ben, merci beaucoup de t'être joint à nous ce matin. Ben, pas de trouble, puis bon match. Ouais, bon. Merci, toi aussi, JP. Ben là, c'est loin les matchs, quand même. Ouais, je serai pas là vendredi, moi. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Donc, le prochain match, c'est le 2 avril. Le prochain match, c'est le 2 avril, ce qui signifie que c'est... Samedi. Ça sera samedi et dimanche, dans le fond? Exactement. Non, samedi. Samedi après-midi, samedi soir. Et la finale, comme à chaque année, ça va être le lundi. Donc le 4 en direct Reliant Stadium. Pour plusieurs aux États-Unis, ce sera un lundi férié. Ben plus un mardi férié. Ouais, j'avoue, ça arrive très en soirée. Très souvent, là, ça se dirige plus vers ça. Un peu comme le Super Bowl et le lendemain du Super Bowl est la date où il y a le moins de personnes qui appellent au bureau pour ne pas se présenter parce que tout d'un coup, ils ont une grosse grippe. On sait, le Super Bowl, c'est en fin janvier, début février, hein, donc c'est difficile pour la santé. Hey, merci beaucoup, JP. Ben, pas de trouble, les boys. Bonne semaine. Hey. Yes, merci, salut. On s'en va une pause. Au retour, Philippe nous parle foot et on parle soccer et on va avoir un peu de musique. Qu'est-ce qu'on s'en va écouter après la pause, Philippe? Écoute, on pourrait aller écouter, comme on parle de soccer, on va aller écouter Fouho du groupe ivoirien Sur Choc, qui est une chanson qu'on a entendue sur la première... la première piste du premier opus de FIFA Street. Donc, vraiment, l'excellente musique, là, lorsque Nicolas se sera relevé de sa chaise, il pourra apprécier à quel point c'est super bon. Donc, une pause et au retour, la toune de FIFA Street. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ordres de C'est Fou. C'est Fou dans vos oreilles. 89. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Tout le monde est yéré, Mauritanie est bas à boîte. Les yéré pour la Java, on a au moins plus d'un pour là-bas. Le volet, moins plus d'un papier. Faut-il porter ses bagots, moi j'ai un petit peu. A où ça fait la rempart. une moitié. On jette en Asie, en Europe, en Amérique. C'était en Afrique que tout ça s'est déroulé. L'homme étant immortel, ses blessures sont guéries. Il va chercher sa moitié à travers le monde entier. Quand il la retrouve, pouvant plus se coller, je sais près de sa moitié. C'est depuis ce jour que son éternel d'affection, c'est qui est devenu l'amour. Chacun cherche sa moitié. Garçon prend pour garçon, les beaux prennent pour les beaux. Il y en a qui ont trois moitiés. Tous les étudiants sont des vagabonds, mais tous les vagabonds ne sont pas étudiants. Toutes les lélés sont des jolis beaux, mais tous les jolis beaux ne sont pas des lélés. Y'a au Philippe, la gauche en tête à moitié. Le papiso, la gauche Mireille est là-haut. Jean Babosa et Miguel est à moitié. J'y mets l'amour, Gabifo sous Patasso. Joël Obrouo, elle finit à moitié. Mayeli est ton bébé. On vient d'entendre Sur Choc avec la chanson Fouho qui est justement sur t'es dans le thème du soccer. Le jeu, exactement, qui est sur le premier opus du jeu FIFA Street. En fait, c'est la chanson qui débute le jeu, donc pas celle qui débute le vidéo du jeu, mais celle qui débute le jeu. En tout cas, si vous avez déjà joué à FIFA Street, c'est la chanson qu'on entend fréquemment sur le gameplay également. Une chanson que j'adore d'un jeu que ça j'adore. Ça donne le goût à l'été. Effectivement, tout à fait. FIFA Street qui était un genre de jeu de soccer, mais dans la rue, violent, avec des mises en échec, c'est ben, ça? Ben pas, non. Il était pas violent avec des mises en échec. Là tu confonds avec NFL Street, qui, lui, okay, était violent avec des mises en échec. Non, mais FIFA Street, qui, effectivement, était un jeu de soccer à 4 contre 4, 3 joueurs plus, okay, le gardien, ponctué de feintes magistrales. Est-ce que tu pouvais plonger? Une après l'autre. Plonger, tu veux dire tacler? Non, plonger dans le sens... Non, tu ne pouvais pas. La tu veux performance dire, dans, de... dans le sens ucamien du terme. Dans le non, sens non, ucamien, ça, tu ne pouvais pas faire ça. Ucamien. Oui, c'est ça. C'est ça. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du foot cette semaine? En fait, aujourd'hui, je vous parlerai pas de match cette semaine. On va faire un peu changement. On parle de difficultés économiques de plus en plus grandes du côté de des clubs européens de football. Et j'écoutais sur les ondes de la première chaîne à Radio-Canada qu'un économiste qui nous racontait que si les clubs ne font rien, d'ici 2014-2015, on pourrait voir de gros clubs déclarer faillite. Déjà, on a des clubs de deuxième division, de troisième division en Europe qui ont été forcés de déclarer faillite parce que l'endettement est trop grand. Et j'ai un tableau ici là qui évidemment vous ne voyez pas, mais dont je vais vous parler, qui est tiré du site topmercato.com, mais qui lui-même est inspiré de l'hebdomadaire Le Point pour son album. En fait, là, si on prend le Real Madrid, qui a engendré des revenus de 410 millions cette année, c'est l'équipe qui a engendré le plus de revenus. Cependant, on est à 683 millions de dollars d'endettement. Donc, vraiment, là, pour une seule année, 273 millions d'endettement, c'est énorme. C'est une plus grosse dette que beaucoup de pays là en voie de développement. Et c'est comme ça pour tout, à peu près tous les grands clubs. Le FC Barcelone également qui perd environ 135 millions de dollars. Manchester United qui arrive à peu près égal. donc qui fait pas de profit cette année. Il y a que Arsenal qui fait environ là 40 millions de profit dans les grands clubs, même Liverpool également là qui est dans la déchéance, Inter Milan qui est à tout près de 200 millions de d'endettement également. Donc c'est très difficile là pour les clubs, la façon dont ça fonctionne en ce moment, l'aspect économique de la façon dont sont gérés les clubs, la façon dont ces clubs-là également s'échangent des joueurs. Par exemple, là, Cristiano Ronaldo, 94 millions. On se contrôle plus. Là. Exactement, on se contrôle plus. Puis on parle d'un plafond salarial, mais c'est on en parlait hier au match. Le soccer est un sport excessivement conservateur. Le plafond salarial, ça fait pas plaisir à personne. Un montant d'argent en fidéocommis également qui pourrait préserver la ligue à flot. Les ligues à flot, ça tente pas à personne. De fédérer la ligue, ça tente pas à personne. Donc vraiment, on semble se diriger vers un libéralisme économique. Puis on changera propriétaire, puis quand le proprio aura assez d'argent pour payer les dettes, ben il les payera, puis s'il n'y en a pas, ben on continuera de s'endetter. Et puis c'est intéressant parce que Manchester United qui est quand même, qui arrive égal, sponsorisé par AIG, qui est une financière, je veux dire, bon, c'est la seule qui arrive égal, mais si tu regardes les autres, Bwin chez Real Madrid, qui va devoir hausser sa commandite parce que forcément, on n'arrive pas... on n'arrive pas. Et le fait que Manchester arrive à égal, comme tu dis, ben avoir vendu Ronaldo, ça a peut-être aidé aussi, là, Cristiano Ronaldo. Ben, c'est une entrée d'argent de 94 millions, là. C'est quand même bien que tu as réparti un peu tes dépenses, c'est moins pire là, sur le long terme. Là. Non, mais en fait, du côté du Real Madrid, on a acheté Cristiano Ronaldo. Donc, ben, c'est ça. OK, je pensais que tu voulais dire on l'a vendu dans le sens où on a fait de l'argent, mais on l'a acheté dans le sens de on s'est endetté encore plus. Non, dans le sens de Manchester United. Ah, tu veux dire pour Manchester United de vendre? Oui, OK, ouais, là je te suis. D'accord. Ben oui, forcément, ça peut aider, puis ça peut aider également à l'endettement de Real, mais je veux dire, si de transférer un joueur, de racheter un joueur ou de le vendre, ça contribue ou non à ton endettement, ben ça démontre à quel point ta ligue est pas en santé. Je veux dire, t'es pas supposé de faire ça pour t'endetter ou pour te désendetter. On a vu ça dans la Ligue nationale pour sauver la ligue. Est-ce qu'on va devoir justement, même si on est conservateur, établir un plafond salarial, baisser un peu le salaire des joueurs? C'est on ça qui est la difficulté, dans le fond, au niveau des clubs européens, c'est qu'aucun club n'est dans la même ligue. Il n'y a pas de ligue fédératrice pour les clubs. Il y a des règlements qui sont envoyés par la FIFA auxquels on doit se plier. La FIFA organise des rencontres internationales, si on veut, pour un peu... faire un calendrier à cette saison-là, mais les équipes s'entendent entre elles pour ce qui est du reste. Donc, c'est très, très difficile. On n'est pas sous l'égide d'un monopole comme on pourrait avoir en Amérique, par contre, là, par exemple, dans la MLS ou même à la NHL, comme tu en parlais, ou le football, le baseball. Dans le cas du soccer, c'est vraiment des entreprises qui sont en partenariat pour une cause commune. Donc, à ce niveau-là, si toutes tes entreprises sont à peu près déficitaires, je veux dire, qui s'enrichit au final? C'est que en bout... Ben, c'est les joueurs. effectivement. C'est qu'en bout de ligne, contrairement à la Ligue nationale, c'est que c'est vraiment des ligues de partout dans le monde qui se rivalisent pour aller chercher. Et on n'a pas une... Oui, on reste sur le modèle de la Ligue nationale de hockey parce que c'est le modèle qu'on connaît le plus ici en Amérique du Nord, ou du moins au Québec. On n'a pas une ligue principale et des ligues en dessous, c'est vraiment plusieurs ligues numéro un. Donc, la Ligue d'Angleterre va vouloir acheter les joueurs. Puis le même joueur, mettons le Russe. Bon, la Ligue de Russie, beaucoup plus faible et beaucoup moins d'argent que la Ligue anglaise, espagnole. En ce moment, mais c'est appelé à changer. Je veux dire, le Magna Russe qui possède... je crois que c'est le Spartak de Moscou, en fait, là, qui est le roi pétrolier de la Russie. Ça s'en vient. Mais pour l'instant, c'est encore un peu difficile. Reste que ce que je veux dire à travers ça, c'est que tout le monde, tu sais, la couverte pour avoir le joueur. Fait que le joueur, hey, monter mon salaire. Ouais. Tu parles de libéralisme économique, c'est directement ça. Et je vois pas comment, à part comment on va pouvoir, parce que si la Ligue d'Angleterre impose des lois, bon, vous n'avez pas le droit de dépasser plus que ça. Boum! Du jour au lendemain, la Ligue d'Angleterre vient de tomber un calibre inférieur. Ouais, effectivement. Et pour donner un exemple à ce que tu nommais du salaire des joueurs puis à quel point les joueurs s'enrichissent, lors du mercato cette année, pour ceux qui savent pas, le mercato, en fait, c'est un peu l'équivalent de la date limite des transactions qui couplé à la date limite pour les joueurs autonomes. Okay. Donc, c'est vraiment le moment de l'année où les transferts se font au niveau du foot européen. Mais le Real Madrid est allé chercher 250 millions d'endettement avec ce... Ben, pas d'endettement, on va dire d'investissement, évidemment, là, du côté du Real, mais forcé d'admettre que si t'as environ 273 millions d'endettement, il y a ces 250 millions-là qui ont passé dedans. Donc, à ce niveau-là... Ça risque d'être quand même relativement difficile si on change pas. Donc, je voulais amener ça à votre attention parce que il y a une possibilité que ça change du côté du soccer, qu'on amène des nouvelles règles ou du moins qu'on change l'aspect financier de la chose. Ça va être intéressant de voir là si c'est possible, s'il y a vraiment quelque chose à faire. Et sur le long terme, tu vois quoi comme solution? Tu vois-tu... Ben, en fait, c'est que la difficulté, elle est partout. La FIFA aurait le pouvoir de fédérer les ligues ou du moins... L'institution pourrait le faire, mais la FIFA est tellement contestée, c'est tellement toujours en train d'être pris dans des magouilles économiques, puis ça empire la chose tout le temps. Donc, on dirait qu'ils sont incapables d'asseoir leur autorité auprès de clubs qui sont, on va le dire, là, les clubs de la Ligue anglaise sont excessivement puissants, ont un lobby très, très fort. Et la Ligue anglaise, au niveau de la FIFA, a droit de veto sur à peu près tout ce qui existe. Donc, à ce niveau-là, je veux dire, ça va être, selon moi, soit un changement de cap au niveau économique parce que les équipes l'auront décidé. Je vois pas la FIFA être en mesure d'intervenir là-dedans. Ou tout simplement, on verra apparaître des nouveaux clubs tirés peut-être du Proche-Orient ou de la Russie, on en parlait tout à l'heure, qui des propriétaires qui ont plus d'argent, qui sont capables d'aller chercher des joueurs. Un gros club qui va dominer tous les clubs de sa ligue. Puis à partir de là... Qu'est-ce qui est important? C'est-tu la Ligue des Champions? Seulement? Évidemment. Ben non, mais c'est quand même la Ligue des Champions qui te ramène quand même beaucoup de renommée au niveau international. Mais la Ligue des Champions, quand ça va au prorata du succès des ligues. Je veux dire, il y a beaucoup d'équipes anglaises dans la Ligue des Champions parce que la Ligue anglaise performe. Si tous les joueurs sont... Si la Ligue, demain matin, la Ligue arabe devient de plus en plus... dominante, a beaucoup d'argent, est capable d'aller acheter plein de joueurs, ben tu vas avoir plus de Tel Aviv dans ta Ligue des Champions, puis moins de Liverpool et de Manchester United. Quoique, encore là, tu dis que la Ligue anglaise a veto, va pouvoir se dire ouais, non, mais pas là, plus de clubs de là. Dans ce cas-là, t'as raison, là, la Ligue anglaise rentre un peu en conflit d'intérêts, mais exemple, en France, c'est très difficile en France en ce moment. Ouais. Tous les joueurs français ne jouent à peu près pas en France. Donc, c'est difficile. L'année passée, on l'a vu à Bordeaux. L'année passée ou l'autre année d'avant, on avait à la fois Gourcuff, Chamac, on avait Cissé dans l'équipe. De très bons joueurs. Et du moment qu'on arrive pour les payer, on est incapable. On les voit partir parce en Angleterre. Parce en que Italie. Le problème, c'est une affirmation question, là. C'est pas le nombre d'assistances au match. C'est pas le nombre d'équipes. Non, il n'y a pas trop d'équipes. Non, il n'y a pas trop d'équipes. Il n'y a pas assez de monde dans les gradins. Les billets coûtent pas assez cher ou coûtent pas trop cher. C'est la même affaire environ aller voir Manchester United qu'aller voir le Canadien. Ça coûte pas vraiment plus cher. Le problème, c'est le prix des joueurs. Problème, c'est à la fois le prix des joueurs. J'imagine qu'il y a quelque chose ailleurs où on perd d'argent. Probablement dans les codes d'écoute ou dans les commanditaires, je sais pas. C'est pas compliqué. C'est Marc-Antoine, tu fais un très bon salaire qui devrait être en masse pour toi. Le problème, c'est que tout ce que tu vois dans un magasin, tu as le goût de l'acheter. C'est que les équipes sont des acheteurs compulsifs. Ouais. C'est au lieu de faire, bon, mais gars, j'ai pas les moyens de payer Ronaldo. C'est intéressant ce que t'avances. Je ne payerai pas Ronaldo. Au même titre que, il me tente la TV 50 pouces avec le cinéma maison, mais hey, j'ai juste les moyens pour une 32 pouces. C'est très intéressant ce que t'avances parce que on a un bon exemple avec le Real Madrid qui est allé chercher Adebayor cet été, lors du mercato. On n'avait pas besoin d'Adebayor du côté du Real. On va le chercher. Oui, c'est sûr que quand tu rentres un joueur comme Adebayor sur le terrain avec 25 minutes à faire, il va faire la différence. Je veux dire, c'est un joueur qui est habitué d'être partant. C'est un joueur d'impact. Quand tu as le luxe de pouvoir te le mettre à 25 minutes de la fin du match, c'est sûr qu'il va t'amener quelque chose. Mais en même temps, je veux dire, est-ce que cet avantage-là va te permettre l'investissement que t'en fais? Parce que tu vas gagner quoi? La Ligue espagnole, la Champions League, puis forcé d'admettre que finalement, les retombées que tu vas avoir à gagner ces deux ligues-là, et encore là, si tu les gagnes... c'est un gage pour la visibilité aussi. Oui, mais quand tu t'appelles le Real Madrid, t'as pas besoin de cette visibilité-là. On parle de Real Madrid, mais disons, une autre équipe, l'acquisition d'un joueur d'impact, un gros nom... ça peut aller chercher des codes d'écoute. Mais Manchester City qui est allé chercher Tevez au début de l'année, ça leur a donné un boost incroyable. Mais Manchester City a joué dans l'ombre de quatre autres équipes qui jouaient dans l'ombre de Liverpool, jouaient dans l'ombre de Manchester United évidemment, jouaient dans l'ombre d'Arsenal, jouaient dans l'ombre de Chelsea, de Liverpool, de Chelsea. Et là, Manchester City en allant chercher Tevez remporte des matchs, met des gens dans les gradins, devient de plus en plus populaire parce que Tevez fait des buts incroyables, on les voit, on en parle, on voit le logo, on voit... Et là, c'est un investissement qui s'avère intéressant, qui s'avère payant. Parce que si Manchester City va chercher la FA Cup ou remporte la Barclay ou quoi que ce soit, ou performe bien en Champions League, ben t'as un investissement intéressant pour une équipe qui va investir sur un joueur. La même chose au niveau du Bayern de Munich qui est allé chercher Robben, le joueur du match du tournoi de la Coupe du Monde, on y a pas donné, mais il aurait dû le mériter, aurait dû être Ballon d'Or également, ça a été Messi, mais c'est un autre débat. Ce joueur-là, on est allé le chercher l'an dernier, l'année avant la Coupe du Monde, et il performe très très bien, permet au Bayern d'être en avance, permet au Bayern de performer sur la scène internationale et permet au Bayern de pas être endetté. Sauf que dans le cas des équipes beaucoup plus populaires, qui amènent ce sont les locomotives du foot européen, ben eux, on les endette énormément pour pas grand-chose, un peu comme on le voit du côté des Yankees, par exemple, dans la Ligue majeure de baseball. Là. C'est qu'à un moment donné, t'auras bien beau te payer un joueur à 10 millions par année, à toutes les positions, t'as des joueurs, trop de gros joueurs, toi, ça va te coûter cher, puis ça va nuire au club, parce qu'il va y avoir trop d'égo, alors que quand tu rentres un joueur que t'as développé, qui va t'en coûter 1,2 million par année, ou 3-4, là, je connais pas les bases de salaire nécessairement, c'est là, fait que Tevez, c'est un investissement qui est intelligent, parce que c'est un joueur qui vient de changer ça, ça remplit le nouveau stade à Manchester, tandis que dans l'opposé, c'est un Real Madrid, c'est qu'on paye tout le monde, trop de monde, trop cher. Puis comme je dis tantôt, c'est, gars, quand t'as 15 paires de souliers, t'en as pas besoin de la 16e, de la 17e, de la 18e, toujours plus cher. C'est une bulle inflationniste, là, présentement, exactement, du côté du foot européen. Et va falloir que ça perce, mais ça sera probablement pas très beau quand ça va percer, parce que il y a des équipes assez prestigieuses, merci, qui vont se retrouver dans le trou, qui seront plus capables de payer les billes. Effectivement, et c'est avec ce que t'avances, en fait, c'est qu'on va voir d'autres clubs arriver, d'autres clubs remporter sur la scène internationale. On s'en va en musique. On s'en va écouter du Bernard Adamus. Qu'est-ce qu'on s'en va écouter, Philippe? On s'en va écouter Avec les doigts de ma main, qui en fait, là, entre parenthèses, alcoolologie, du côté de Bernard Adamus, la chanson préférée d'Éric Vermette, mon chum qui m'a fait découvrir Bernard Adamus. Donc, je vous envoie ça. Samedi soir pour ces minuits, Seigneur Jésus, que tu t'en vis. Tu plantes la tête, la bière dans le verre, puis t'as dit qu'il te manque le bois d'entrée. Du houblon, puis des jurons, on fait des jokes à toute saison. Pas de suite, le jeu d'un 5 comique, t'as besoin d'être prêt, y'a pas de répète. Tes belles intentions peuvent être dissolues. Fait que tu watches ton S, quand tu mets le pied dans le club. Welcome, bienvenue. Fin du coin de la rue. Oh, c'est dur à croire, ton destin rempli d'hasard. Parfois t'as Dieu qui t'en veut, des fois t'as le diable de ton bord. Pis là ça spin dans ton brain, tu prends pour House of Pain. Tu vois les alcooliques blows avec du plume dans tes shoes. La lumière qui t'éclaire t'indique le chemin de l'enfer. L'asphalte sous tes pieds, ben elle te donne à penser que c'est dur à l'usure. Tu frappes toujours le même mur. J'suis parti sa brosse avec des chumets. Une coupe de pinte pis de la vodka. J't'ai rendu le king de la bachata. Là j'danse du meringue, genre Bertrand à mes côtés. J'fais un fou de mousse sur le stage. J'me prends pour Betty Page. J'trémousse comme une laveuse en enlevant ma barreuse. Avec l'alcool si bol, toutes les filles me rendent folle. Je m'alumineux, je pèse une gaz dans le fond de mon pieu. Je vais tout de suite, drette la pilette. J'ai pas de patience avec ma démence. Un petit tour de passe-passe, m'en prendre un magicien. Faut disparaître tes vêtements avec les doigts de ma main. Et là, je vole sur ton corps, j'suis comme le roi des monarques. J'aurais beau être aveugle, tes seins sont glow in the dark. Le sourire de ta face, faites fondre ma glace. Faites fondre ma glace. J'ai des mal aimés. Mais le cours de la bourse, le prix du brut, change pas grand chose au rêve des putes. Pis là, ça bouillonne dans mes neurones. Quand j'entends parler Bernard de Rome. Boire beaucoup pour avoir du fun gratis, c'est comme tirer un coup. Sans que la paix à fournisse pour un matin réussi. Puis parle-moi pas de ma dépendance. Si je fais le balai, je me sens à l'aise. Puis je pose mon cul direct dans sa chaise. J'ai rendez-vous avec Satan pour faire mon consentement. Mais là, je me dis, c'est rien qu'un film. J'aime dire, je suis sous, je m'entends chez nous. Dans le fond, mon tour pour le making of. Vous voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou, notre site web, inconduitedepartie.com. Vous pouvez lire chroniques, opinions et beaucoup plus. Ah. On y va avec le hockey à Mauricie rapidement, messieurs. Deux matchs étaient disputés cette fin de semaine. Tout d'abord, on va y aller avec la Ligue nord-américaine de hockey. Vendredi, la série entre Rivière-du-Loup, plutôt, le 3L de Rivière-du-Loup et le Caron-Aiguet. On y allait pour le match ultime. On sait que Caron-Aiguet a terminé deuxième au classement alors que Rivière-du-Loup a terminé bon dernier. Eh bien, à la surprise de tous, onde de choc sur Trois-Rivières, c'est le 3L de Rivière-du-Loup qui l'a emporté 5-4. Un but alors qu'il restait 33 secondes à la troisième période, but crève-cœur de Jérôme Marois. Malheureusement pour Trois-Rivières, c'est terminé. Et ça fait mal, mais on avait beaucoup de blessés. Là. Les joueurs étaient amochés, selon ce qu'on m'a dit, là, du côté du Carouégué. Ça l'a pas aidé. Ce qui a pas aidé aussi, bon ben le gardien... Quoi? Excusez, les joueurs étaient amochés du côté du Carouégué. M'a fait rire avec Brashear dans les médias. Ben, je vais en parler après. Oui, justement, il y avait plusieurs blessés. Mais tout d'abord, parlons de Martin Hull, le gardien de but de Rivière-du-Loup. 47 arrêts sur 51 lancés. Donc, on ne peut pas dire que le Carouégué n'a pas essayé. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été assez. Donc, on va sortir les bâtons de golf du côté de l'équipe. Il y avait 1473 personnes, une des bonnes foules là, depuis longtemps là, du côté du Colisée de Trois-Rivières. Parlons-en de Donald Brashear. Ben, selon les informations que le Nouvelliste a recueillies, et je dis bien ça sur toute réserve, Donald Brashear, après le match de jeudi entre le 3L de Rivière-du-Loup, à Rivière-du-Loup, plutôt au Centre Premier Tech, Brashear aurait, selon, comme je dis, selon les dires, aurait décidé de quitter, a passé très près de l'autobus du Caron-Aiguet et failli frapper un joueur. Le joueur s'est mis à lui l'enguirlander. Brashear serait sorti de son auto et aurait frappé au visage le joueur dont le nom m'échappe. Donc ce joueur n'a pas pu s'aligner là, dans l'alignement. Commotion, ouais. aurait perdu la conscience dans le fond. Donc commotion cérébrale pour lui. Avec la grosseur de main qu'il y a. Ouais, ben c'est ça. Ce serait une autre. Je l'ai rencontré, je lui ai serré la main. Il t'a des énormes paluches, cet homme. C'est impressionnant. Donc ça serait une autre tache noire au dossier de Brashear. Une enquête policière est en cours sur le sujet. On s'est refusé à tout commentaire là, du côté des formations. Serait-ce Éric Labelle? Ça sonne très bien, je crois que. Parce qu'en fait, là, selon Richard Labbé de La Presse qui nous raconte, là, l'ex-batailleur du Canadien qui a déjà été suspendu pour 5 matchs cette saison à la suite d'une bagarre, a d'abord menacé avec sa voiture un joueur du Caron-Aiguet, Éric Labelle, avant de sortir du véhicule et de le frapper au visage. Brashear aurait ensuite quitté les lieux après avoir montré son poing à divers joueurs du Caron-Aiguet qui attendaient de partir à bord de l'autobus de l'équipe. Belle attitude. Si on en parlait hier, en fait, un peu, là, la difficulté de cette ligue de sortir de sa mauvaise presse, ouais, malgré le fait qu'il se joue du très bon hockey. Tu le disais hier, tu sais, Donald Brashear, il y a un point par match, là. C'est la seule fois qu'on va en parler dans les médias. Exactement. C'est ça, malheureusement. Et mais je veux dire, à qui la faute à un certain moment? Mais bon, on pourra en parler jusqu'à demain. Ouais, c'est ça, malheureusement, on avance parce que là, après la pause, ça va être le junior majeur. Je veux pas qu'on manque de temps. Du côté des Dragons du Collège de la Flèche, eh bien, une autre équipe favorite dans sa série qui se fait éliminer par la marque de 3-1. Le cégep André Laurando qui a battu la Flèche. Ben, tout d'abord, André Laurando les avait battus samedi par la marque de 4-3. Si 3-2 plutôt, merci Marc-André. Et Antoine. Marc-Antoine, excuse-moi. Je vais me mélanger. Moi, un Marc, souvent, c'est suivi d'un André, donc c'est pour ça. Victoire d'André Laurando. On avait toutefois ouvert la marque là, en premier du côté de la Flèche, Alex Poirier, mais deux buts en deuxième période par André Laurando et un troisième en milieu, je dirais, de troisième période. La victoire, donc on est éliminé. Honnêtement, mais si on n'aurait plus grand-chose à parler au niveau du hockey à Mauricie, il va nous rester les Cataractes. Estacade. Et Estacade qui sont à la Coupe Dodge, comme je disais, un tournoi un peu bogus. C'est le 6 avril environ? Je ne sais pas. OK, c'est bon. On va maintenant parler de hockey universitaire. Eh bien, les Redmen et l'Université du Nouveau-Brunswick, les Reds, s'affrontaient hier pour le championnat national. Et c'était une victoire aisée de la part des Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick par la marque de 4-0 sur les Redmen. Écoutez, la logique a été respectée. On dit que les Redmen sont une équipe de loin supérieure. Pas les Redmen, plutôt les Reds sont une équipe de loin supérieure à la plupart des équipes du circuit. Donc, 4-0, là, McGill, même si c'était 1 contre 2 au classement national. La logique a été respectée à travers ça et c'était aussi respecté du fait que McGill se retrouve en finale. Par contre, je pense qu'on peut donner une main d'applaudissement aux Redmen parce qu'on dit souvent dans la Ligue canadienne, la Ligue universitaire, que les équipes de la OUA se plantent toujours au championnat national parce que c'est du hockey de moins bon calibre que ce qu'on retrouve en Atlantique et ce qu'on retrouve dans la Canada West, entre autres à cause de la Ligue nord-américaine de hockey qui vient nuire au recrutement des joueurs. Et le fait de voir McGill en finale, c'est très bon pour au moins l'image. On va peut-être donner un petit peu plus de considération au circuit. Ouais, puis on a des joueurs du côté de McGill là, qui se sont vraiment éclaté là justement au niveau national, enfin entre autres le Picard Hooper, Veropol qu'on a entendu parler énormément sur la scène canadienne. Très vrai. On s'en va à une pause, au retour on parle d'hockey junior majeur. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, au hockey de la Ligue nationale, les Bruins de Boston l'emportent 2-1 face aux Flyers de Philadelphie. À Pittsburgh, les Penguins l'emportent en fusillade face aux Panthers de la Floride 2-1. Du côté d'Atlanta, Ben Maxwell inscrit son premier but dans la Ligue nationale, ce qui aide les Thrashers à disposer des Sénateurs d'Ottawa par la marque de 5-4. Et à Columbus, les Canucks de Vancouver vont chercher une 50e victoire cette saison face aux Blue Jackets par la marque de 4-1. Toujours dans la Ligue nationale, après une semaine sans aucun succès pour le Canadien, Jacques Martin a forcé ses joueurs à se présenter pour un entraînement punitif hier. Le prochain match du tricolore sera mardi face aux Thrashers d'Atlanta. Du côté de la Ligue américaine, les Bulldogs renouent avec la victoire hier. Après 4 défaites de suite, Hamilton dispose des Rivermen par la marque de 3-1. Les Bulldogs sont descendus au troisième rang de la division Nord. À la course automobile, c'était le Grand Prix d'Australie hier. Sébastien Vettel, qui s'était qualifié premier lors des qualifications, n'a pas déçu et remporte le premier Grand Prix de la saison. Il était précédé de loin par Lewis Hamilton, qui a été ennuyé par un bris sous sa voiture et termine donc 22 secondes derrière l'Allemand. Au March Madness, maintenant, VCU cause une autre surprise en disposant de Kansas par la marque de 71-61. VCU se classe donc pour le prestigieux Final Four et affronteront Butler, une autre équipe surprise. Au hockey en Mauricie, la fin de semaine n'a pas été bonne pour le Collège La Flèche alors que les Dragons ont perdu leurs deux parties contre le cégep André Laurando, 3-2 samedi et 3-1 dimanche. Leur saison est donc terminée. Et finalement, au sport universitaire, les Patriots Soccer se voient mériter l'or hier alors qu'ils affrontaient l'UQAM lors de la finale du réseau des sports étudiants du Québec. La partie était remplie d'émotions et s'est rendue jusqu'en tir de barrage et on a pu assister à toute une performance de Vincent Guécoté qui a bloqué plusieurs balles. Il a d'ailleurs été nommé joueur du match. Voilà, c'était vos informations de l'inconduite de partie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Oh, Maxime Gale avec la chanson Right Back Where We Started From. Félicitations Philippe, celle-là je l'adore. Ça me fait plaisir. Chanson qu'on a pu entendre sur le bon vieux film Slapshot. Je me disais, un hymne au hockey propre. Je me disais sur quoi on a bien pu entendre ça. C'est la seule place où j'ai entendu ça de ma vie. Effectivement, sauf, m'en a dit sauf dans certains arénas qu'il la joue, exactement, mais c'est ça, ça reste en lien lors avec. Lors du match entre Boston et Montréal, j'étais chez un ami à écouter ce match. Et justement, cette chanson a passé. Il m'a fait remarquer que c'était cette chanson. Et je me suis dit, tiens, faisons honneur à Slapshot ce matin. On y va maintenant avec le hockey junior majeur. Les séries qui sont débutées jeudi d'un point de vue technique, un seul match. Sinon, vendredi, toutes les équipes étaient en action pour les séries. Et bon, on tombe dans un marathon là, du côté de toutes les formations du circuit. Là, c'est là que ça se met à compter. Allons-y avec les Cataractes de Shawinigan. Ils ont disputé deux matchs contre le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Bien sûr, qui se dispute la série 4-7. Donc, allons-y avec le premier match. C'était vendredi et c'est une victoire de 2-1 des Cataractes de Shawinigan en prolongation. En voulez-vous de l'excitation? En voilà. Tout d'abord, Anton Zlobin en première période qui ouvre la marque à 15-3. Zlobin, disons-le, là, joue du très bon hockey présentement. Probablement le meilleur hockey de sa saison. Et a même bénéficié d'un tir de pénalité, mais par contre l'a manqué. Donc a bénéficié d'un tir de pénalité et trois minutes plus tard, réussi à compter. Donc très bien fait du côté de Zlobin. En troisième période, mi-troisième période, c'est Travis McIsaac là, du côté de l'île du Prince-Édouard qui égale la marque. Et finalement, une passe là-dessus à André Nestracil et Jean-Sébastien Fournier. Et finalement, en prolongation, Michael Bournival reçoit une belle passe de Dave Labrec, le fameux one-timer, tu sais, sur réception. Déjoue le gardien Evan Mosher qui, ma foi, là, messieurs, je vous le dis tout de suite, ça va être une série de gardiens de but. Gabriel Girard et Evan Mosher, deux très bons gardiens. Mosher, c'est mérité, bon, dans ce match-là, si je me trompe pas, c'est mérité la deuxième étoile, tout juste devancé par Gabriel Girard, Bournival qui récolte la première. Et c'était un match, bon, quelques pénalités, mais surtout beaucoup de pénalités qui n'ont pas été appelées. Honnêtement, on n'a pas eu droit à du très bon arbitrage là, durant cette fin de semaine. Et je vous laisse écouter les commentaires d'Éric Lavigne, l'entraîneur du Rocket, après ce match. Ben, j'espère juste que les joueurs de 16 à 20 ans vont décider la série. C'est juste ça que je souhaite. Là. Sauf quand t'es out of shape, t'as hâte que la game finisse. Quand t'es out of shape, t'as hâte que la game finisse. Et je vous dis tout de suite, il parle pas de ses joueurs. C'est un message aux arbitres, ça? Et oui. Et il en a même rajouté un petit peu après. Mais il a redit pas mal la même chose, mais il a même rajouté « Faut croire qu'il y en a un qui avait hâte que ça finisse. » C'est des propos qui sont assez durs et assez coûteux, probablement. Oui, ça va coûter quand même très cher. Je vois pas comment la Ligue peut laisser passer des commentaires de ce genre. Il faut que tu protèges tes arbitres, même s'ils ont fait un travail minable. Il faut quand même que tu protèges tes arbitres. Probablement. Mais du côté de la Ligue, mais écoute, des fois, chialer aussi, ça peut... Tu sais, c'est un investissement. Si ça t'en coûte 1000$, mais que la journée d'après, l'arbitre n'ose pas appeler contre toi... Ah, mais attends, là, ça, moi, je suis pas capable. Là. Il y a une punition, il y a une punition. Ouais. Philippe, que t'appelles une punition, ça me dérange pas. Que tu l'appelles pas, là, ça m'enrage. Dans le cas, si c'est ce que veut souligner Lavigne, je suis d'accord avec lui. Mais moi, tenir des propos contre un arbitre en espérant qu'il va fermer les yeux sur des pénalités que tu commets, ça m'enrage. C'est à l'extérieur de la philosophie du sport. C'est ça. Ça me fait... Que tu chiales après un arbitre parce qu'il a pas appelé une pénalité, aucun problème. Mais parce qu'il l'a appelé, je veux dire, si elle est là, elle est là. C'est ça. Oui, sauf que dans la tête d'un officiel, par contre, ça se peut que ça joue un peu. Quand même bien que tu sais qu'on veut pas que ça joue, ça se pourrait que ça joue. Et je vous dirais que dans le deuxième match de cette série, ça l'a extrêmement joué parce qu'on a à peu près rien appelé. Tu sais, l'expression de laisser jouer, là, je vous dirais que oui, il y a eu des non-appels des deux côtés. OK? Et là, bon, je vous résume le match rapidement. La victoire de 4-2 du Rocket sur les Cataractes. 1-1 cette série. J'avais dit, lorsqu'on faisait les prédictions vendredi dernier avec Simon Laliberté de Sport Junior, je disais, si l'île du Prince-Édouard n'en gagne pas aucun, ça se dit mal, là, mais n'en gagne pas à Shawinigan au centre BNS, ça va se terminer rapidement à 4, 5 matchs. Mais ils ont remporté et attendez-vous à ce que ça se termine en 7. aisément, ça va être une série extrêmement serrée, à moins que le vent tourne totalement du côté des Maritimes, parce que là, on se dirige vers les Maritimes. Du moins, on s'est dirigé. L'équipe est partie hier soir, hier matin, plutôt à 9h, pour se diriger vers Charlottetown. Et bon, on est là pour plusieurs jours, là. On est là pour une semaine du côté des Cataractes. Et on devra bien faire les choses si on veut revenir dimanche prochain du côté du Centre Vienesse. C'est ça dont je parlais justement la semaine dernière. C'est excessivement difficile, si tu veux mon avis, un 2-3-2 comme ça. Ça peut changer la donne complètement. Est-ce qu'on est parti en avion du côté de... Non, on a pris l'autobus. On avait du temps. On avait du temps de libre. En décollant dimanche, le match est mardi. Ça prend, bon, 13 heures, ce rendez-là, si on compte un arrêt pipi, là. C'est pas très compliqué. Deux arrêts. Ouais. Ouais. Mais en même temps, j'imagine que 13 heures d'autobus... Ouf! Non, ça doit être un peu raide sur le bas du dos quand t'en ressort, là. Ben, c'est des gars, ils sont habitués. Ouais, je sais bien, ils sont habitués. Ils sont habitués. Honnêtement, ils sont habitués. Puis, dans un cas où est-ce que t'as du temps libre, c'est moins pire. Dans un cas où tu vas arriver 6 heures avant le match, serré, là, c'est pire. Mais est-ce qu'à la limite, tu serais prêt à dire que ça peut même là souder un peu l'équipe, là, 13 heures dans un autobus, ou si c'est 13 heures dans son iPod? Je pense honnêtement pas que l'équipe a besoin d'être soudée. Rendu là, non. Rendu là, je pense que si t'es pas soudé là, oublie ça, ça marchera pas. Je suis d'accord. Donc, le sommaire dans ce match, c'est tout d'abord Samuel Morneau, en fin de première période, qui ouvre la marque, son premier des séries. En deuxième période, Benjamin Cazavant, 1-1, il fait 1-1, plutôt un but en avantage numérique. Et le point tournant du match, c'est à ce moment-là, à 15-42, André Nestrassil qui fait monte un 2 contre un 1 contre 2, devrais-je dire. Victor Provencher qui est il revient dans la zone neutre, je vais te dire comme ça, là. Fait son retour dans la zone neutre, lui qui est en zone. Et Jonathan Racine qui, lui, fait est de dos, recule face à Nestrassil, se fait sauter les patins. OK? Par la jambe de Provencher qui fait son retour. C'est un 2 minutes et évident, là. Il se doit d'avoir 2 minutes là-dessus pour avoir fait trébucher. On ne l'appelle pas et Provencher, se retourne immédiatement. Ce qui était un 1 contre 2 est devenu un 2 contre 1 par le fait même. Et donc, Nestrassil a logé la rondelle en haut de l'épaule de Gabriel Girard, un beau tir. Et c'est le point tournant, tant qu'à moi, parce que ça l'a fait 2-1. En troisième période, Olivier Croteau à 11 minutes 7, qui lui aussi, fait son premier des séries. Anton Zdobin, une minute plus tard, donne un petit peu d'espoir sur des aides à Ryan Cavanagh et Michael Beauneval. Je parlais de Zdobin, ça se continue. Et on espérait pouvoir revenir, mais à 17 minutes 16, Ben Duffy a déjoué Gabriel Girard, ce qui fait qu'on a perdu 4-2. Les étoiles dans ce match, Van Moncher, je vous en parlais, je vous en reparle encore, accordé 2 buts, mais sur 35 tirs des Cataractes, donc très bonne performance. Zlobin la deuxième, Ben Duffy a obtenu la troisième, et je crois que Andrej Nestrassil aurait très bien pu se classer aussi. Un but, une passe là, pour Nestrassil dans ce match, et il joue très bien. Le tchèque, ce joueur tchèque joue très bien. Donc ce qu'on va faire, on va aller écouter les commentaires de l'entraîneur Éric Veilleux après cette rencontre. Ouais, je pense qu'on a eu assez de chances de marquer là, pour être capable de remporter le match. Regarde, je pense que leur gardien a fait beaucoup d'arrêts clés. Et puis nous, on a fait des petites erreurs qu'habituellement on fait pas. Et puis ils ont été capables de capitaliser. La série se transporte maintenant à l'île du Prince-Édouard. Ton équipe, durant la saison, a bien joué ses patinoires adverses. Partez-vous quand même en confiance? C'est sûr et certain, ça. Regarde, on l'a dit depuis le début, là, deux clubs qui jouent sensiblement de la même façon, qui ont eu sensiblement le même nombre de points. Et puis, on s'attend à une longue série. On s'en va là pour remporter des matchs sur la route. On l'a prouvé dans le passé qu'on était capable. Et puis, un match à la fois. Hier, Éric Lavigne a décrié l'arbitrage. Aujourd'hui, on a semblé, nous aussi, sur la galerie de presse, là, trouver que l'arbitrage faisait un petit peu défaut. As-tu des commentaires formulés là-dessus? Honnêtement, là, je sais pas s'il y a des amendes ou pas. Là. Pas eu le temps de parler à mon gérant. Là. Sauf que tout ce que je peux dire, c'est que on bâtit notre club de hockey par rapport à une certaine façon d'arbitrer. Et puis... ça semble avoir changé, c'est tout ce que je peux dire. C'est un calme olympien que Éric Veilleux a utilisé là-dessus, parce que, soyons francs, là, il avait raison de chialer, mais Éric Lavigne aussi, là. C'est ça qui est intéressant, là. Les deux chiolent. Ça, c'est rare. Mais ils ont raison. C'est assez rare, là. Parce que, là, dans ce match-là, bon, les Cataractes ont bénéficié de 3 avantages numériques. Du côté opposé, les Rockets en ont eu aucun. Et il y a eu plusieurs coups vicieux, plusieurs coups. On commence à sailler la face, là, du côté des deux équipes. Et, c'est pas vrai que les Cataractes méritaient pas de pénalité. C'est pas vrai qu'on aurait pas dû avoir d'avantages numériques du côté du Rocket. Ça aurait peut-être dû être 5 à 2 les avantages numériques au lieu d'être 3 à 0. C'est ça qui est le problème. On n'a rien appelé. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, les matchs peuvent dégénérer. D'ailleurs, allons écouter Philippe Paradis. Philippe, bon, on sait, on connaît l'historique de Philippe. A joué avec les Cataractes de Shawinigan. Et maintenant avec le Rocket, t'es impliqué dans l'échange avec Benjamin Cazavant, un échange entre les deux. Et bon, du côté de Philippe, de moins en moins d'amis, s'est fait huer à la Zdeno Chara quand il touche la rondelle ou du côté du Sandbell, quand il était en contrôle, on pouvait entendre les huées. Et je pense que du côté de Paradis, on n'aïe pas nécessairement ça, là. On lui a demandé ce qu'il pensait du jeu physique qu'il y a eu dans ce deuxième match. Un petit peu, c'est sûr qu'à force de travailler, les deux équipes se donnent des mises en échec. C'est un peu donné, ça vient par arriver un peu. Peut-être un peu les arbitres ont perdu le contrôle un peu dans le match. Je pense pas que Shawinigan ne méritait pas 0 minute de punition dans ce match-là. Fait que c'est un peu choquant, là, parce que c'est une bonne série. Tout le monde le voit, tout le monde sait que c'est intense, c'est serré. Puis il faudrait pas que ça arrive que les arbitres perdent le match par eux autres. Hein, puis qu'ils viennent jouer comme du monde. Je me trompe-tu ou là je pense que c'est plus de chum l'autre bord? Ben, regarde, c'est série, là. Faut rester sans mettre ça de côté. C'est sûr qu'il y a une petite réalité qui va s'installer. Si tu veux pas perdre, tout le monde veut continuer. C'est un do or die. Fait que c'est ça que ça peut arriver des fois. Tu regardes pas vraiment qui tu frappes, peu importe. Faut que tu réussisses à mettre ça de côté. Là. Paradis, qui quand même avait beaucoup de gens qui l'attendaient à la sortie de l'arena. Paradis, c'est un gars de la région, là, de toute façon, là, donc beaucoup de connaissances. Donc, je pense que ça dit ce que ça a à dire. Je pense que même les joueurs s'en étaient rendus compte. Ça résume très bien le match, là, tout ce qui s'est passé à travers ça. Tantôt, je vous parlais d'André Nastrassil, bon, qui à date connaît des super bonnes séries. Nastrassil, c'est la troisième année qu'il affronte les Cataractes en première ronde. L'an dernier, j'ai pas ses statistiques devant moi, mais je pense qu'en série, là, avec l'Éthique de Victoriaville, qui s'était rendu quand même en finale de division, Nastrassil avait eu 6 points en 16 matchs. On s'attendait à beaucoup plus, là, de son côté, de la part des Tigres. Et on lui a demandé, là, justement, on va aller écouter la question du collègue Jonathan Roberge à propos de ce monsieur Nastrassil. Moi, t'entendre sur Nastrassil, on se posait la question un petit peu cette semaine. J'en avais même glissé un mot, là, qu'on se demandait comparativement aux séries l'an passé, bien différent cette année. Bien, honnêtement, vous m'avez demandé si j'avais parlé, mais vous avez fait un excellent job. C'est que j'ai pas eu besoin d'y voir, là. On a juste eu traduire vos articles, puis ça a fait la job. Ça dit Jonathan. C'est que Jonathan, bon, qui est collaborateur ici à l'Inconduite, qu'on va lui parler vendredi prochain, comme je disais, Jonathan de l'Hebdo du Saint-Maurice, bon, avait écrit dans l'Hebdo, ou du moins sur le site web, que Nastrassil, bon, était un joueur qui fournissait pas nécessairement en séries éliminatoires, avait relevé les problèmes de s'inscrire au pointage, là, du côté de Nastrassil. Éric Lavigne, le coach, qui dit ce que ça l'a à dire, est-ce que ça a un effet? Ben, à date, 3 points, 2 matchs pour Nastrassil. Donc, il va être une des forces à surveiller durant cette série. C'est intéressant parce que c'est à la fois flatteur de la part du coach et à la fois aussi une petite pointe, là, de... On vous lit. Ça dit c'est ça. Ça dit ce que ça a. Faites attention, on vous lit. Ouais, donc, mais... intéressant. C'est très intéressant. Ce qu'on disait, ça, je disais à Jonathan, peut-être que t'as motivé le mauvais gars, là. T'as peut-être pas... Puis ça, je disais ça avant qu'on sache que les textes avaient été traduits. Finalement, bon, on s'en va aller du précédoir. Du moins, on est déjà allé du précédoir, là, du côté du Rocket. Et on a parlé avec du côté du Rocket, du côté des Cataractes aussi, bien sûr. On a parlé avec le directeur général Martin Mondou, savoir bon un peu à quoi il s'attendait pour les prochains matchs. Martin, es-tu content de la performance de ta troupe dans le premier week-end des séries? Moyen. Je trouve que... on a eu des bons moments, on a eu des moments plus ordinaires. Il y a des gars qui auraient pu se taper up un petit peu plus, selon moi. On n'a pas été comme on peut être quand on est à notre meilleur, selon moi. Sauf qu'on a vu des bonnes choses. Puis, en tant qu'on a été compétitifs le week-end. Donc, Martin Mondou, là, je me suis un petit peu trompé dans le début d'extrait. Plutôt à quoi, comment il avait trouvé la performance de ses troupes. Je pense que ça résume ça. On est capable d'un petit peu plus du côté des cataractes, mais ça va être une excellente série. Ça a le potentiel d'être aisément la série de première ronde qui va être la plus intéressante. On quitte le monde de la Cité de l'énergie. On se dirige maintenant vers Drummondville, les Voltigeurs qui affrontent les Saguenayens de Chicoutimi. On s'attendait pas à une série très longue là, du côté de Drummondville. Et en effet, à date, c'est 2-0. Tout d'abord, vendredi, les Voltigeurs l'ont emporté 4-3 contre les Saguenayens. La troupe de Guy Carbonneau, bien sûr. Et le lendemain, toujours du côté de Drummondville, c'est une victoire facile de 6-1. 41-18, les tirs, ça va être très court, j'ai l'impression, pour les Saguenayens. Et du côté de Drummondville, ben c'est toujours la même équipe qui travaille match après match, qui se démarque vraiment là. Et bon, ça sera pas long, comme je disais. On s'en va maintenant dans les bois frais. Les Tigres de Victoriaville qu'on nommait comme pas les sous-estimer. C'est pas une mauvaise équipe de Victoriaville, mais on les voyait pas battre à Caddy Batters. Eh bien, mesdames et messieurs, ils mènent la série 2-0, les Tigres de Victoriaville. Tout d'abord, vendredi, contre à Caddy Batters, les Tigres l'ont emporté 7-4. Alors qu'ils ont décoché seulement 28 tirs, alors que le Caddy Batters en a décoché 42. Donc, très mauvaise performance de la part d'Olivier Roy, qui a été sorti en troisième période après avoir accordé 6 buts. Vraiment pas très bon. On a même à 6-4, on a retiré le gardien de but. Donc, Guillaume Goulet qui en a profité pour s'inscrire à la marque alors qu'il restait un petit peu moins qu'une minute et demie. Donc, très bon. Et Philippe Maillet là, qui s'est distingué là, du côté des Tigres de Victoriaville. Je vous sors ces statistiques. 1 but, 2 passes dans ce match. C'est David Onzik là, qui est dans les filets. Donc, Antonio Mastropietro qui a perdu son filet officiellement là, au profit du jeune David Onzik. Et c'est pas une mauvaise décision. Ça va lui bâtir le caractère pour les prochaines années. Très jeune Onzik. Et dans le deuxième match, ben, c'est une victoire sans équivoque des Tigres de Victoriaville. 5-1 sur Caddy Batters. Seulement 24 tirs. 5 buts sur 24 tirs. Encore là, il y a Olivier Roy retiré en milieu de troisième période après avoir accordé 4 buts. Et on a encore tiré le gardien là du côté à 4-1 on a retiré le gardien, ça a pas plus payé du côté d'Acadie Batters. Pas certainement ce que Réal Pement espérait de son équipe. Et on devra peut-être effectuer des changements, mais là la série s'en vient à Victoriaville. Je pense que ça va être très difficile comme commande. À part de ça, bon, mais je vous résume rapidement les séries. Saint-Jean, aisément 2-0. Montréal mène 2-0. Lewiston-Moncton, c'est 1-1 dans cette série. Québec-Val-d'Or, facile. Jonathan Hazen, qui a été suspendu 3 matchs pour une mise en échec sur Michael Tam. Encore lui, Tam, punching bag de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Les Québec sont en tête. Et Gatineau-Rimouski, eh bien, c'est 2-0 en faveur de Gatineau. L'ancien des Cataractes de Shawinigan, Tommy Tremblay, qui a occupé de 2 matchs de suspension pour avoir un coup illégal. Là, je me souviens plus exactement ce qui s'était passé. Donc, c'est ce qui conclut pour le junior majeur pour cette semaine. Et c'est ce qui conclut aussi l'émission. Donc, suivez ça, là. C'est du très bon hockey qui se joue. Comme je dis, là, le prochain match, Victoriaville, c'est demain. C'est ce soir, plutôt, à Victoriaville Batters, que ça se déroule. Donc, les gens du coin qui nous écoutent, déplacez-vous. Ça vaut la peine d'aller voir ça. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. On se laisse en musique avec Le Genou de Claire. Qui est ton choix? Ouais, c'est mon choix, parce que ce que tu avais choisi, ça finissait mal l'émission. Je pense effectivement, que tu es d'accord. On la reprendra pour la semaine prochaine. Une autre fois. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à conduitedepartie.com. Bonne journée tout le monde! Si beau, tout serait si beau si je trouvais. Reflection.